chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On vous offre le F-150 neuf à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Les membres Costco admissibles reçoivent aussi un rabais de 1 000 $. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Là où l'expérience est inégalée, toute notre équipe vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multi-concessionnaire. Le Nouvel Hebdo nous apprenait la semaine dernière qu'il y avait un projet d'envergure au centre de ski, le Domiski. Évidemment, c'est la réfection du chalet. C'est pas la première fois qu'on entend parler de ce dossier-là, mais là, ça semble vraiment... le projet semble prêt. On en parle avec le responsable du centre de ski, le Domiski, Dave Lamontagne. Salut, Dave! Salut, Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Dave, évidemment, ce qu'on nous apprenait dans le Nouvel Hebdo, c'est un projet de 3 millions de dollars. Est-ce que ça a été long à monter, ce projet-là? En fait, là, c'est extrêmement positif. Là, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Là, on voit un petit peu que ça se concrétise. La manière que ça a été fait, c'est que suite à mon entrée en poste l'année passée, on avait rencontré le conseil de ville pour faire un petit portrait de la situation, l'état des lieux. Il y avait un programme qui avait sorti l'an dernier là, comme provincial pour des éventuelles subventions. Donc, on a contacté des diverses municipalités qui avaient déjà passé par là pour avoir des modèles de plans. Ouais. Puis, ce modèle-là, il a été déposé dans ce programme-là. Donc, le chiffre d'environ, là, c'est 2,5 millions, 3 millions pour fin de subvention. Fait que là, le fédéral a été contacté, le provincial, l'ancien gouvernement provincial. Puis, si c'est accepté, si l'argent est là, là, c'est sûr qu'on va adapter ce chalet-là à nos besoins. Il répondait déjà là, aux normes puis à notre besoin. Là, c'était une municipalité, là, j'ai pas le nom, là, mais qui semblable à nous autres, qui avait un virage aussi 4 saisons là, avec des activités l'été. Donc, c'était vraiment là ce qu'on cherchait avec une petite modification. Là, mais somme toute, là, les plans là, vont être élaborés là, très prochainement. OK. Donc, tu parles d'un projet de 3 millions. Donc, est-ce qu'à peu près approximatif 3 millions, est-ce que l'appel d'offres a été canné? Parce que tu sais très bien que normalement, quand ça retarde, c'est toujours un 5% d'augmentation de coûts par année, là, des coûts de construction. Est-ce que ça veut dire que 3 millions, c'est gelé, c'est canné, plus ça retarde, plus le projet risque de remonter? Je suis pas dans le secret des yeux, là, les appels d'offres sont pas cannés, là. Okay. C'est vraiment là encore c'est comme un stade de projet, là. Il est pas annoncé. Même si le projet il est déposé, ça n'a pas été accepté. Tu sais que je pense, là, je parle à mon nom personnel, je pense que la municipalité est très ouverte. Puis eux autres y embarqueraient dans le projet. Je pense que un tiers la ville, un tiers le fédéral, un tiers le provincial. Je pense qu'avec Richard Hébert, là, il a démontré une très bonne ouverture aussi. Il reste à voir un petit peu au niveau là, provincial avec le nouveau gouvernement. Ben ouais, c'est ça. Ce qu'on me dit, c'est que l'équipe en place est déjà au courant. Donc, le projet il a été monté. Donc, ils sont au courant. Mais là, c'est sûr qu'il va y avoir des élections possiblement partielles dans notre comté. Qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'après ces appels d'offres, puis là, on va rentrer plus dans les détails. On va parler de stationnement aussi. Ouais. On va sûrement parler de tout refaire. Là, je sais qu'il va pas au même endroit. Il va aller où est le chalet de ce qu'ils font présentement. Donc, le chalet, c'est un nouvel endroit. Donc, c'est sûr qu'il va avoir de l'aménagement. Donc, c'est 3 millions. Je pense qu'ils sont allés un petit peu plus haut, justement, pour pas que ça fasse comme ça fait toujours. Là. Finalement, il manque 1 million. Je pense qu'ils sont allés un petit peu plus haut pour dire... Ben là, parce qu'à la base, c'était pas 3 millions, je pense que c'est un petit peu moins que ça. OK. Sauf que là, je pense qu'ils ont fait le contraire, là. Ils ont bien fait leur devoir. On va dire 3 millions, puis après ça, on regardera. Mais je pense que 3 millions, c'est raisonnable. Je pense pas qu'il y ait de dépassement de coût. OK. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de particulier de projet? C'est tout refait à neuf, j'imagine. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais on va en reparler. C'est il va y avoir une meilleure billetterie, les aires d'aller, ça va tout être refait à neuf. Mais y a-t-il quelque chose de particulier dans ce projet-là? Ben, ce que ça comprend, là, c'est sûr que ça va être flambant neuf, on refait pas un chalet avec le chalet qu'on a là. Donc, au niveau du point de vente, ça paraît à prendre un permis de poisson aussi. Exemple, faire un après-ski. aussi. On sait que la régie, nous autres, nous oblige à avoir un site, dans le bâtiment de place plus fermé, parce que on sait que c'est 18 ans et plus, fait qu'il faut contrôler les accès, les sorties, ce qu'on peut pas faire avec le chalet actuellement. Donc, ça, c'est prévu. Exemple, des toilettes qui ont un accès extérieur. Donc, quand le chalet, exemple, est fermé ou on est l'été, les gens font du vélo de montagne, s'ils veulent avoir accès à des salles de bain, ça va être possible de le faire sans nécessairement débarrer tout le chalet. Donc, une section un petit peu plus adaptée selon nos besoins. On sait aussi que pour la patrouille de ski, là, donc ça prend un local de premier soin, ça prend. T'sais, là, on est correct, on est aux normes. Sauf que c'est visuel. Donc, on veut vraiment là faire un réaménagement qui soit plus fonctionnel, que ça nous permette d'opérer plus facilement. On parle de location aussi, notre boutique de location, quand on loue des planches, Là, on est un petit peu là comme ça va, là. Nos locales, là, c'est pas organisé, c'est plus difficile, donc ça coûte plus cher d'employés aussi à faire virer. Là. Puis, on pense qu'avec ce projet-là, ça va être une belle porte d'accueil. Là. Quand les gens vont venir au centenaire de Miski, là, on veut faire un virage 4 saisons. Il faut que ça soit accueillant. Puis on est en train de refaire toute la signalisation de nos sentiers là, pour la course en sentier aussi, puis des beaux affichages. Donc, on a plein de projets, mais sans ce chalet-là, c'est plus difficile là suite à la planification stratégique qu'on a faite, puis les sondages aussi qu'on a réalisés sur Internet. On veut vraiment que avoir un nouveau chalet là, qui répond aux besoins, là, ça va vraiment nous aider, parce que présentement, c'est plus difficile là de se démontrer à quelqu'un quand on arrive, puis on a une vieille barrière qui est là, avec, tu sais, ça répond encore aux besoins, là, on est quand même correct d'opérer, mais on veut, on vise un petit peu plus haut, un petit peu avec notre centenaire, là. Le modèle de Toboski est un bon modèle, là, qui fonctionne bien. Donc, sans copier-coller, là, mais on voudrait au moins aspirer à quelque chose de semblable. OK. Est-ce que vous vous donnez du temps pour d'ici 3 ans que le projet, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une limite de temps, là, pour que ça fonctionne, là. Est-ce qu'on vous donne du temps du côté de... Le Domski? Écoute, moi je ne sais pas comment est-ce que ça peut prendre de temps. Là. Je ne veux pas non plus me prononcer. Là, on n'a pas le contrôle. Là. Donc nous, on fait nos devoirs, là. On met de la pression un petit peu médiatique, puis on en parle, puis c'est le fun. Là. On fait des entrevues à ce niveau-là, puis il y a des reportages qui se font, Nouvelle Hebdo, Radio-Canada, là, avec toi aujourd'hui. Donc notre rôle à l'interne, c'est d'en parler. Puis après ça, il nous reste à espérer. Comme tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait, c'est pas de nouveauté. Là. Sauf que là, on sent que ce qui est différent par rapport aux dernières années, c'est que là, le conseil de ville sont extrêmement réceptifs. On a parlé aussi avec le fédéral. Le projet, concrètement, il était déposé. Le montant il est fixé. Donc, tu sais, il y a des grosses étapes, là. Sont en bonne voie. Là. Okay. C'est pas juste des pourparlers. Là. Techniquement, il est déposé dans un programme. Je sais que M. Pouillard, il l'avait même mis dans ses priorités. Ben oui, il l'avait mis. Dans sa campagne électorale, il l'avait dit. Fait que là, on est vraiment à un autre stade. Mais est-ce que ça va se faire l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans? Là, hein? Changement de gouvernement. Mais quoi, je peux pas. Dis-moi, Dave. Concernant vraiment, vous avez, tu en as parlé, c'est 2-3 fois que tu en parles depuis le début de l'entrevue, comment que la municipalité est aidante à la Domiski. Cette année, compte tenu qu'évidemment, habituellement, ils donnaient 40 000 en subvention, là, on va donner 100 000. Par année. Ça veut dire, quelque part, vous allez rénover en attendant que le projet accouche, quoi? Pas nécessairement. On dit 40 000, mais Domiski présentait toujours des déficits d'opération à la fin de l'année, donc ils ne donnaient pas seulement 40 000, ils venaient combler les déficits ou les manques à gagner là, depuis toutes les dernières années. C'est difficile à gérer quand tu es toujours en constant déficit, puis à la fin, tu dis, en tout cas, ils paieront le déficit, tandis que là, c'est une nouvelle façon, ils n'ont pas bonifié tant que ça l'aide financière, là. Je pense que techniquement, ça tournait toujours autour de 80-85 000, sauf que là, on a dit, c'est difficile de gérer toujours dans les mois. T'as jamais d'argent pour rien faire. Des fois, il faut que tu fasses des investissements, que ce soit en publicité pour augmenter les ventes, que ce soit justement dans les sentiers. Donc, on n'était jamais capable de dire, on va aller de l'avant un petit peu. Donc là, c'est faites-nous confiance. On a un nouveau conseil d'administration, on a une planification stratégique. Voici nos projets. Donc, ce qu'on demande, c'est d'avoir l'argent au départ, une enveloppe budgétaire, qu'on soit capable de planifier, soit des budgets en conséquence, puis d'avoir de l'argent dans le compte de banque. Puis, on va essayer, c'est comme une année de test, on pourrait le dire, c'est qu'avec ce montant-là, nous, on pense qu'on est capable de mettre à terme des projets. Puis moi, ça me permet d'engager quelqu'un sur le terrain pour faire un petit peu comme l'année passée, là, qui était pris à vendre des billets puis à faire de la scie mécanique dans les sentiers. C'est moi une paye pour faire du développement, puis pour amener de la clientèle, faire du démarchage au niveau des écoles. Là, on est en train de monter une belle offre aussi avec des cours de plein air. On a des beaux projets, là, je travaille sur la cartographie. C'est une campagne de financement aussi qu'on veut mettre en branle. Là, on a un nouveau conseil d'administration, on a des beaux projets. On a l'argent pour mettre des gens sur le terrain pour gérer les opérations. On a un beau plan de match. On a le conseil de ville était à l'écoute, ils nous ont écoutés, puis ils ont accepté cette année de dire bon, on va gérer autrement. Donc, la table est mise avec le beau projet aussi qui s'en vient de Chalais. Fait que ça sent bon, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail devant nous, là, mais je peux vous dire que c'est quand même assez positif là, pour notre OK. Donc, dis-moi maintenant, tu as parlé de la prochaine saison. La prochaine saison risque d'être très prometteur, c'est ça que tu mentionnais aussi. Est-ce que du côté j'imagine que là, vous êtes en pré-vente déjà? Ben, normalement, notre pré-vente est au début décembre. Donc, est-ce qu'on va y aller avec, pour cette année, c'est une augmentation des ventes, tu sais, là? On a budgété une légère, là, mais tu sais, on est à Dolbeau, mais ça signe, puis il faut être conscient qu'on ne fera pas des miracles. On le voit avec les corporations sportives, là, que ce soit le centre civique, que ce soit le golf, que ce soit, tu sais, domicile. On dénote quand même une légère baisse. Au niveau du membership, sauf que les pistes de solutions, c'est vraiment là comme aller chercher davantage d'écoles, aller chercher des organismes, des forfaits d'entreprise. T'sais, c'est de diversifier un peu les sources de revenus. Donc, au niveau de l'achalandage, que ce soit skiffons, raquettes, etc., il y a d'autres... pas des compétiteurs, mais on a le Tabaski, on a le club de skiffons d'Albanel, tout ça, donc est-ce qu'on va augmenter avec l'infrastructure qu'on a puis l'offre qu'on amène, augmenter considérablement les ventes? Je pense pas. Je pense qu'on peut consolider ce qu'on a, mais il faut diversifier les sources de revenus là autour, puis surtout le virage cette saison, puis surtout l'été, là. Collecter les revenus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont, puis que la barrière est fermée, ils vont faire du vélo. C'est pas qu'ils sont de mauvaise foi, mais le chalet est fermé, ils peuvent pas payer leur billet journalier ou quoi que ce soit. Fait qu'ils vont en faire gratuitement. C'est quand même correct parce que l'offre n'est pas structurée, mais je pense que si on irait juste chercher des revenus qu'on perd avec les usagers qui sont là, je pense qu'on aurait déjà des bonnes augmentations significatives de nos revenus, là. Donc, c'est pas nécessairement misé sur l'augmentation des ventes comparativement aux dernières années, là, mais c'est de diversifier les sources de revenus. Dis-moi, tu as parlé d'augmentation. Il y a un autre projet, on a parlé beaucoup du côté du chalet. Là. Maintenant, il y a un autre projet, ça fait longtemps qu'on entend parler également de ce projet-là. C'est le projet d'un canon à neige. Où en est rendu ce projet-là? Je sais que c'était coûteux. Vous avez même regardé pour louer à un moment donné. Où s'en est rendu ce projet-là? Parce que ça vous ferait avancer de 2 à 3 semaines plus tôt, là, ça vous fait ouvrir, puis ça vous fait peut-être fermer 2-3 semaines plus tard également. Ça, je suis mitigé un petit peu par rapport à ce projet-là. On avait évalué avec la direction des travaux publics le coût. Le coût énergétique aussi de tout ça. Là, donc, c'est vraiment la question effort-bénéfice. Dans le fond, quel effort qu'on est financier en temps et puis en logistique versus qu'est-ce que ça rapporterait de plus à domicile. Comme l'année passée, nous, c'est vraiment d'ouvrir pour le temps des fêtes. C'est ouvrir avant ça, puis à la fin, quand tu dis prolonger la saison, on sent qu'au niveau de l'achalandage, il y a un essoufflement, les gens qui ont des cartes de saison viennent moins, puis on... Donc, ça serait plus au début, au début de l'année. Le manque de neige qui nous fait fermer, c'est carrément l'achalandage, puis les coûts d'opération sont vraiment élevés versus les rentrées d'argent. Donc, je suis pas convaincu qu'un gros projet de canon à neige, là, en mettant 1 million de dollars là-dedans pour nous faire c'est sûr que ça sécuriserait le temps des fêtes. Ça veut dire qu'on pourra toujours être ouvert le temps des fêtes. Des fois, je pense que par le passé, on était rendu à Noël, là, puis on n'avait pas suffisamment de neige. Là, mais somme toute, là, je pense pas qu'il faut aller jusqu'au feu vert au projet canon en neige puis remettre de l'argent. Je pense que virage 4 saisons, pavillon d'accueil, c'est les priorités au niveau du canon en neige. Là, moi, parce que je suis pas convaincu là, avec les chiffres que j'ai vus là, puis les bénéfices qu'on en retire. OK. Dernière question. Tu as parlé de nouvelles offres et ainsi de suite. Le fat bike, ça fait longtemps qu'on en parle. Tu sais très bien comme moi que tu es un sportif. Tu sais très bien que ça s'en vient en pleine croissance, le fat bike. Ça, est-ce que j'imagine qu'on va développer de ce côté-là aussi? Parce que ça, c'est vraiment... Là, moi, j'ai bien confiance en ce nouveau sport, le fat bike pour les jeunes. La journée que ça va être moins dispendieux, parce que c'est très dispendieux, hein, c'est 1 000 à 1 100 la journée qu'on va être capable de se trouver un fat bike à 400-500 j'ai l'impression qu'il va y en avoir beaucoup plus de ça. Oui, c'est un bon point. C'est sûr qu'il y a un potentiel à ce niveau-là. C'est sûr que présentement, ça représente vraiment un très, très faible pourcentage de nos revenus. On avait un partenariat avec l'école de Tournai qui nous faisait un prêt de leur fat bike. Comme ça, on pouvait les louer. On leur donnait l'accès au site là, par la suite là, gratuitement au Tournai. Donc, fait qu'on a l'offre. Là, présentement, c'est à même le ski de fond. Ça veut dire que ça nous demande pas plus d'efforts d'amer le fat bike parce qu'on dame déjà le ski de fond. Donc, il y a une section dans le ski de fond étant donné qu'on on dame 18 pieds de large. On donnait on allouait une section fat bike, donc c'est à même le ski de fond. Pour ce qui est d'exemple, on part dans le bois, on fait des nouveaux sentiers de fat bike et on développe ce créneau-là. Je peux dire que juste gratter ça, exemple, avec un skidoo, avec une bonne gratte, là, j'ai fait des essais l'année passée là, avec une belle gratte là, électrique là, qui était ajustable. Là. Il y avait un fabricant dans le coin là, qui on a fait quelques tests, mais c'est un art et c'est énormément de temps. Okay. Puis chez Katowski, là, ils ont une armée de bénévoles aussi qui travaillent là-dessus pour développer, là, parce que c'est pas comme la raquette ou le fat bike, lui, là, et au niveau de des conditions météorologiques, quoi que ce soit, là, quand c'est dur d'avoir des sentiers vraiment à part, là. Fait que présentement, c'est à même, là, ce qu'ils font, ça nous permet de dégager quand même, là, une vingtaine de kilomètres. Donc on peut s'amuser puis c'est bien damé. Donc oui, là, il y a un potentiel à ce niveau-là, puis espérons, comme tu dis, que ça devienne un petit peu plus accessible. Oui, parce que à 1 100 $, 1 100 $, fait bike neuf, mais la journée que ça va être à 400-500 $, on a l'impression qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup plus puis dans le chemin puis partout. Plus. C'est ça. Puis de notre côté, c'est de dire que présentement, le ski de fond et le fat bike est toujours entretenu. C'est plus jamais de se demander la dameuse a-tu passé ou pas, moi, depuis l'année passée. C'est mon cheval de bataille. On entretient tout le temps. On regarde la météo. Puis quand il faut passer le BR, on le passe avec les gens. Là, je veux plus qu'ils se posent la question. Ah, j'irais bien en faire. On est lundi, mais le centre est fermé. Je ne sais pas si c'est damé. Il faut arrêter de se poser la question. C'est oui, vous venez. Puis c'est toujours à moins d'exception. Là. Normalement, c'est toujours praticable. OK. Ben Dave, très intéressant. Tu sais qu'on est là pour ça, les organismes à but non lucratif de sport. DanRadioSport.com est là pour ça. Fait que gêne-toi pas si quelque chose. On est là. Parfait. Merci beaucoup, Danny. Voilà, Dave Lamontagne, le responsable du centre de ski de Domiski.